Qu'elle était jolie, ce robe vêtue de blanc, une bien jolie vestale, les yeux brillants, dans son sourire, qu'elle est patient, il y avait, en cet instant, une éternité, écrasant le temps. Quand vint le chant des consentements, je fus suspendu, et sa voix douce, légère, comme le vent, là, dans mon dedans. Je remontais le fil du temps, j'ai la mémoire courte, je ne me souviens plus de nous. J'ai la mémoire courte, je ne me souviens plus de rien du tout. Ma voix tremblait-elle? Nous sourions-nous dans mon regard? Une étincelle, je me souviens plus de toi, de moi, de nous. Je n'ai plus la force de me souvenir. Ma mémoire sélective refuse d'y revenir. C'est si loin, c'est trop loin, bien plus loin que demain. Bien plus loin que demain. J'ai une mémoire courte, je ne me souviens plus de nous. J'ai la mémoire courte, je ne me souviens plus de rien du tout. Seul compte le poids des années, les jours que j'enfile comme des perles à tes côtés, et cette tendresse que tu m'inspires me lie à toi bien plus que ce vague souvenir. Cette tendresse s'attache, se colle à moi à non plus finir. C'est doux, c'est rassurant, mais tellement aliénant. Souhaiterais parfois que cela cesse, que tu me laisses. Que tu me laisses. J'ai une mémoire courte, je ne me souviens plus de nous. J'ai la mémoire courte, je ne me souviens plus. Si tu me laisses, peut-être que je la retrouverai. Si tu me laisses, la mémoire qui blesse. J'ai la mémoire courte, je ne me souviens plus de